On a tous dans le cœur un petit oups oublié. Shallow, Manhattan, Kaboom, Souda, Joe, Reine de Chloé. On a tous dans le cœur un morceau de merde à chanter. Une vieille chanson pourrie qu'on rêve tous d'interpréter. Douglas Wilson chantait. Douglas Wilson chantait. Douglas Wilson chantait. Douglas Wilson chantait. Un oups qui me colle encore au cœur et au corps. Bobo, mon bobo, bobo, mon bobo. Bobo, mon bébé. On a tous dans le cœur les Awards Radio bon con. Quand Hubert, Félix, Typhon nous imitaient Céline Dion. On a tous dans le cœur Mona des années 50. Toutes ses lectures du soir pour sûr qu'elle est étonnante. Zéro Richard chantait. Zéro Richard chantait. Zéro Richard chantait. Zéro Richard chantait. Un oups qui me colle encore, encore et encore. Ophélie, nous on t'aime. Sèche tes larmes. Yeah. À quoi ça va me servir de savoir composer des oups quand je suis à Radio Bulle, je peux pas faire des shallow oups. S'il y a bien un truc que j'ai en travers de la gorge, c'est bien Roux Patrice qui football sur le Discord. Coronio 47. Coronio 47. Et les bottes irlandais. Et les bottes irlandais. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Discord, le Discord, c'est le Discord. Discord, le Discord. Le Discord, le Discord, le Discord. On a tous dans le cœur la matinale des bons cons. Entre la fresque sociale et des clashs de champions. Chloé s'en est pris plein, c'était peut-être mérité. En tout cas, les Pasco étaient toujours connectés. On s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Proche du burn-out, j'étais. Proche du burn-out, j'étais. J'aurais aimé chanter pour la petite pépé. Da Moya. Da Mona. Da Mona. Et me voilà pété encore sur Radio Boncon. En train d'écrire un oups, ça devient une obsession. On fête la janguille, j'ai bien failli oublier. Y'a pas d'excuse sérieux pour se mettre une pété. Trinquons à la santé. Trinquons à la santé. De cette super journée. De cette super journée. Un truc qui va me coller encore au corps et au corps. Ma baguette c'est. Ma baguette. La baguette, c'est ma vie.